sûreté nucléaire est en est fier, il en est fier. 75% d'électricité nucléaire est en est fier, il en est fier. Pour te plaire, tu repenses à Hiroshima, plein de japonais avec des cima. Trois ogives.